des abîmes, de la mélancolie et des hymnes de ton abandon. Sans la mélodie, angoissée d'un luth, j'entends les échos de ta voix affectueuse, des ruisseaux du parc Saint-James aux ruelles de Bucaramanga. Ta silhouette transforma un désert en pelouse, refuge sûr du chameau et de la rose. Par les sentiers de Buffalo et d'Oporto, avant les bouleaux blancs de notre lac et les ormes jaunissants de Central Park, nous marchions main dans la main sans fin, et sous les notes d'une chanson de Lou Reed, nous traversions Regent's Park jusqu'à Back Street, buvions du café et allions au cinéma jusqu'au crépuscule, célébrant Tragnon, Tognignon dans des extases nocturnes. Les voûtes de la cathédrale de Lincoln, les arcs aérés de la mosquée et les colonnes lancée de grenades te reprocheront justement ton abandon. Café et allions au cinéma jusqu'au crépuscule, célébrant notre union dans des extases nocturnes. Les voûtes de la cathédrale de Lincoln.